ange sur la terre, chapitre 25. Affaires de famille. Don Roque, qui, pendant le déjeuner, avait beaucoup questionné l'alcalde, en était arrivé à demeurer clairement convaincu que Don Perfecto Civico n'était rien moins que son cousin Germain. Poussé par la curiosité de vérifier l'origine de ce nom de Civico, qui était aussi celui de sa mère, Don Roque avait voulu tirer la chose au clair. Et des renseignements fournis par Don Perfecto, il résultait que la mère de celui-ci était la propre sœur du père de Don Roque. Quant à Don Perfecto, parti fort jeune de son village et n'y étant jamais rentré, il ignorait totalement ce que pouvaient être devenues les sœurs de son père. En homme prudent et qui pèse les avantages et les inconvénients de toute chose, Don Roque ne laissa rien deviner à Civico de la découverte qu'il venait de faire. Si, dans son orgueil et son égoïsme, il trouvait des raisons pour garder le silence, d'autres motifs pouvaient cependant le porter à révéler la parenté. Dans les têtes bien organisées et habituées aux affaires, l'hésitation n'est jamais longue. Aussi, Don Roque eut promptement pris un parti et nous verrons bientôt comment il sut mettre à profit le secret qu'il venait de découvrir. Après le déjeuner, Don Roque proposa à l'alcalde une promenade sur la plage. « Savez-vous bien, lui dit-il, quand ils furent assez éloignés, pour que personne ne pût entendre leur conversation, que vous et moi ne sommes pas moins que cousins germains ?»« Je m'en réjouis fort, répondit l'alcalde agréablement surpris. Et de quelle manière ?»« Ma mère, répondit Don Roque, était une Civico comme vous, pas aussi parfaite cependant, car elle s'appelait Petrola. N'en avez-vous jamais entendu parler à votre père ?»« En effet, je me rappelle, répliqua l'alcalde, j'ai une idée confuse. Petrola, oui, je me souviens. Peste, notre famille est en voie de progrès. Vous voyez que je suis un peu plus avancée que mon père. J'ai servi mon pays, j'ai épousé une femme de famille noble et riche. Mon fils, que vous avez pu entendre s'exprimer si bien à table, est encore plus avancé que moi. Il a fait de brillantes études à Séville. Je l'ai envoyé ensuite à Madrid, où il a joué un assez beau rôle. Il était un des rédacteurs principaux du journal La Veille du Jour de la Justice. Il était reçu à Séville dans les meilleures maisons, entre autres dans celle de la marquise de Alocaz, et il faisait les délices de ses tertulias. Il est intimement lié avec Don Martial, l'héritier d'une des plus puissantes familles de l'Estrémadour. Vous m'avez déjà conté tout cela, et votre fils m'en a rebattu les oreilles, répondit grossièrement Don Roque. Qu'est-ce que tout cela prouve ? Y en a-t-il un réal de plus dans sa poche ? Non, mais... Non ? Eh bien, mon ami, il a perdu son temps, comme un imbécile. Vous qui n'avez étudié que l'art du vétérinaire, vous en savez plus long que votre fils, car vous avez su gagner de l'argent. Et c'est la seule chose utile à savoir en ce monde. Tout le reste n'est rien, absolument rien. Vous avez fait d'ailleurs preuve d'un grand jugement en épousant cette grosse Galicienne, qui vous a apporté une bonne dot et qui m'a l'air d'une excellente femme, robuste et bien portante, sachant veiller sur sa maison et sur ses enfants. Moi, mon ami, je n'ai pas eu ce bonheur. Je me suis marié à la Havane avec une femme maladive et minaudière, qui n'avait bon que l'argent qu'elle m'apportait et qui a passé sa vie à geindre et à gâter sa fille. Elle est morte pendant la traversée et m'a laissé la charge d'un enfant en bas âge. Maintenant, qu'allez-vous faire de votre bavard de fils qui n'est bon, à mon avis, ni à frire ni à rôtir. J'en ferai un défenseur de la liberté, un tribun. Un tribun? Qu'est-ce que c'est que ce métier-là? Un tribun est un défenseur des droits du peuple. Par la vie de tous les saints, cousins, j'aurais bonne envie de vous tourner les épaules. N'y a-t-il pas déjà assez de cette vermine sans y ajouter ce bon à rien? Ouvrez donc les yeux, aveugles que vous êtes, et voyez le cas que le peuple fait de ces tribuns. Essayez un peu de voir si personne de votre village lui donnera un maravédi afin de le voir monter à la tribune pour son compte. Comédie, pure comédie, cousin. Et d'ailleurs, qu'a-t-il rapporté de Madrid? On lui a promis, oui, oui, monts et merveilles, quand son parti sera au pouvoir. Connu, et il y croit, l'imbécile. Allons, je vois bien que vous vivez à Villamar, aussi ignorant que si vous viviez dans la lune, et que vous ne vous doutez pas des choses d'ici-bas. Mais laissons là ces fadaises, et venons au fait. Le temps presse et j'ai hâte de retourner à Cadix, à bord de ce vapeur que j'ai frété à l'heure et qui me coûte les yeux de la tête. D'ailleurs, en fait d'affaires, il faut procéder vite et clairement. Voici donc mes propositions. Vous abandonnerez pour votre fils ses idées saugrenues de tribune et de députation. Il renoncera à écrivailler dans les gazettes et à se farcir de ces fadaises qui remplissent les têtes de vent et laissent les bourses à sec. Et à cette condition, je le mettrai à la tête d'une fabrique que je vais établir dans le couvent que j'ai acheté près d'ici. Don Perfecto, sur lequel les raisonnements de son cousin le millionnaire n'avaient pas manqué de faire une certaine impression, se montra fort satisfait de cette offre qui lui plaisait d'autant plus que réellement il était fort embarrassé de son vaurien de fils qui avait déjà à moitié ruiné sa famille. Mais il triomphait surtout à la perspective de réduire sa femme au silence et de faire rentrer dans le néant cette phrase importune, fatigante, insupportable, dont elle le poursuivait nuit et jour. « Avoir gaspillé mes écus pour faire de mon fils un propre à rien, ce n'est pas pour cela que mon oncle Bartholomé me les avait laissés, c'est vrai !»« Ce n'est pas tout, » poursuivit Don Roque. « Je voudrais que ma fortune ne sortît pas de ma famille et ne tomba pas entre les mains de quelque petit maître de Cadix ou de quelque tête à l'évent de Séville, qui la guette de l'œil. Mais ce n'est pas pour eux que le four chauffe. Je n'ai pas amassé mon argent pour ces chiens altérés qui tirent la langue après un écu, pour ces freluquets qui savent bien courir après les piastres, mais qui ne savent pas les gagner. » Don Roque se montait tellement lui-même contre les novios imaginaires de sa fille que, d'injures en injures, il finit par les traiter de gibier de potence. « Il est sûr et certain que vous devez prendre vos précautions pour ne pas vous laisser dépouiller, » dit candidement l'alcalde, qui crut qu'une bande de voleurs était aux trousses de millionnaires. « J'ai une fille en âge d'être mariée, » poursuivit celui-ci. « Et si cette grande perche que vous appelez votre fils se comporte bien, nous pourrons les unir ensemble. » À ces paroles, Perfecto ouvrit démesurément les yeux et poussa un cri de joie. Non pas qu'il fût intéressé. Chez lui, l'orgueil était plus fort que l'amour de l'argent. Mais enfin, l'avenir qui s'ouvrait d'une manière si imprévue devant son fils, réalisé et au-delà, tous les songes dorés que le père avait pu faire pour son bonheur. « Doucement, doucement, » poursuivit Don Roque, « je n'ai pas terminé. Je vais maintenant vous poser mes conditions, sans lesquelles il n'y a rien de dit. »« Quelles qu'elles soient, » répliqua l'alcalde, « elles sont acceptées d'avance. » »« Vous saurez donc, » poursuivit Don Roque, « que ma femme m'a apporté en dot 100 000 piastres. » 100 000 piastres ? Exclama l'alcalde stupéfait. Il revient en outre à ma fille 100 autres 1 000 piastres pour sa part dans la communauté, ajouta précipitamment Don Roque, comme si ses paroles lui eussent brûlé le gosier. 200 000 piastres ! S'écria l'alcalde, de plus en plus abasourdi. Si votre pauvre diable de fils veut épouser ma fille, poursuivit le rusé millionnaire, il faut qu'il accepte, comme faisant partie de la dot, le couvent et ses dépendances, et qu'il déclare dans le contrat avoir reçu pour argent comptant la somme que le couvent m'a coûtée en papier. C'est entendu, répondit l'alcalde, qui, sous l'impression de l'heureuse aubaine qui se présentait pour son fils, ne faisait nulle attention à l'infâme escroquerie que Don Roque voulait commettre à son égard. Je m'engage, poursuivit le bon père, à faire toutes les avances nécessaires pour convertir en fabrique cette ridicule et inutile masse de pierre qui était autrefois un couvent, sous la condition, bien entendu, que lors du mariage, je prélèverai mes déboursés sur la dot. Vous ferez comme vous l'entendrez, répondit l'alcalde, de plus en plus enchanté. Après ces dépenses, et quand j'aurai soldé les frais de la noce, qui pourraient vous gêner, car vous ne me faites pas l'effet de rouler sur l'or et sur l'argent, s'il reste encore quelque chose à ma fille, votre fils s'obligera à le laisser entre mes mains, à 3% d'intérêt, sans pouvoir le retirer avant ma mort. Ce que j'en fais, c'est par prudence, et pour que cet argent ne puisse être gaspillé. D'accord, répondit Don Perfecto. Au reste, il n'y aura pas grand-chose, car le couvent et ses dépendances m'ont coûté plus d'un million en papier. C'est un excellent marché, cher cousin. Le marché sera encore meilleur pour nos enfants que pour moi, répondit le nabab. Je ne veux rien gagner dessus. Je ne veux que le bonheur de ma fille. Votre fils signera le contrat, les reçus, et approuvera les comptes de tutelle, ainsi que nous venons d'en convenir. Mon fils signera les yeux fermés tout ce que vous lui présenterez. Que tout ceci, cousin Perfecto, reste pour le moment un secret entre nous deux, ajouta Don Roque en terminant. Jésus, et pourquoi ? Exclama l'alcalde, qui grillait de communiquer la chose à son acariâtre moitié en lui faisant triomphalement palper deux choses. L'une que, sans sa gracieuse hospitalité, son hôte n'eût pas reconnu en lui son légitime et authentique cousin germain. L'autre que si les écus de l'oncle Bartholomé n'eussent pas été employés à donner une brillante éducation au fils de la maison, Don Roque n'eût pas été séduit par ses qualités physiques et morales et n'eût pas songé à le choisir pour gendre. « Pourquoi m'imposez-vous le silence ? » demanda-t-il de nouveau au futur beau-père. « Parce que je le veux ainsi, » répondit celui-ci, « et si vous ne me jurez de garder le secret, il n'y a rien de dit. »« Bien, bien, on se taira, » répondit Perfecto. « Ma fille est un peu malade, plutôt d'imagination que d'autre chose. Une de ses manies est d'avoir pris Cadix en grippe et de désirer retourner à Séville. La véritable cause, c'est qu'il y a dans cette dernière ville un certain fils de Job, muni de longues griffes, qu'il voudrait bien insérer dans ma bourse. Le drôle aurait bonne envie de me jouer un tour de son métier. » Mais à d'autres dénicheurs de merles. Je vais bien les attraper tous. La petite veut quitter Cadix, et les médecins prétendent qu'un changement d'air sera favorable à sa santé. Eh bien, je l'amènerai chez vous. Quand elle verra qu'il n'y a pas moyen de retourner à Séville, elle bannira de sa tête ses folles billevesées et ne tardera pas à se rétablir. Mais si elle se doutait qu'en l'amenant ici, il y a sous jeu un projet de mariage, ce seraient des soupirs, des convulsions, des évanouissements, enfin, tout le tralala dont elle a hérité de sa mère. avec cela que votre fils est malheureusement plus laid que le diable. Mais petit à petit, elle s'accoutumera peut-être à sa face patibulaire. Il est horrible, c'est vrai, mais enfin, faute de griffes, on mange des merles. Et d'ailleurs, il n'y a pas ici d'autres novio pour lui faire concurrence. L'habitude entre pour beaucoup dans l'amour. À force de le voir, ma fille s'attachera à lui. Quant aux soins à donner à l'enfant, ce médecin qui déjeunait avec nous ce matin, et que vous appelez, je crois, Don Juan de Dios, pourra facilement s'en charger. Pour si peu qu'en sache ce médecin de village, il en saura toujours autant que les autres. Tel que vous me voyez, j'ai dépensé l'impossible à Cadix en visite de médecin et en frais d'apothicaire, et rien n'a pu guérir l'enfant. Qu'il est vrai de dire que, pour guérir, il faut vouloir guérir. Et il y a des femmes qui ne le veulent pas, qui se plaisent à se médicamenter, pour avoir une face plus longue qu'une nuit de Noël. Enfin, l'enfant aime la campagne, et je crois qu'elle sera bien ici. Bien entendu, je vous payerai pension pour elle. « Y pensez-vous, cousin ?» s'écria Perfecto, qui, comme nous l'avons dit, n'était pas intéressé. Les bons comptes font les bons amis, mon cher cousin. Il ne s'agit pas de vous imposer une charge qui vous serait onéreuse, répondit l'aimable Richard. La dépense ne sera pas grande, car l'enfant mange comme un oiseau. Mais accepter une hospitalité gratuite, non pas, et sinon rien de fait. Señor Alcalde, Don Roque de la Piedra n'accepte de faveur de personne. Retenez bien cela. Et dites à ce graisseur d'emplâtre que, s'il prend bien soin de la petite, je lui payerai ses visites à une piécette chacune. Don Juan de Dios, fit observer l'alcalde, ne regarde pas au plus ou moins d'argent pour soigner ses malades. Caramba, il faut donc venir dans ce village pour découvrir le phénix des médecins? Exclama Don Roque. C'est un trait caractéristique, soit dit en passant, chez les gens grossiers et mal élevés, de saisir toutes les occasions pour lancer des ruades aux médecins. Soyez donc sans inquiétude, dit l'alcalde. Dès à présent, je considère l'enfant comme ma propre fille. Rien ne lui manquera. Et dès à présent aussi, ajouta Don Roque, vous pouvez acheter et réparer pour les jeunes gens quelques bonnes maisons, s'il s'en trouve une à bon marché. Employez pour les réparations les matériaux du couvent. Servez-vous des dalles de l'église pour paver la cour et des plaques de faïence pour les fourneaux de la cuisine. Ah, j'oubliais, il faut un petit bout de jardin. L'enfant aime beaucoup les fleurs. Jésus, elle aura un jardin tout entier! Répondit l'alcalde en riant. Le terrain n'est pas cher ici. Mais vraiment, vous êtes un bon père, cousin. Vous pensez à tout. Les cousins se séparèrent fort contents l'un de l'autre. Don Roque, tout fier des éloges qu'il venait de recevoir et qu'il croyait réellement mérités, et charmé de se débarrasser de sa fille presque sans bourse déliée. L'alcalde, non moins content du mariage inespéré qui se présentait pour son fils. Rentrés à la maison, Don Roque révéla lui-même à Tiburcia le lien de parenté qui l'unissait à son mari et lui divulgua aussi la destination qu'il comptait donner au couvent. Cette glorieuse parenté ne causa pas le même plaisir à la femme qu'au mari. La Galicienne, qui, comme nous le savons, voyait un peu plus loin que son nez et se souciait fort peu des oripeaux, vit tout d'abord que dans ces sortes de relations, l'honneur coûte cher d'habitude à celui qui le reçoit, et que le profit est le plus souvent nul. Dans cette intime parenté, elle ne vit donc qu'un impôt extraordinaire levé au profit du parent hébergé sur sa basse cour et son garde-manger. Cette considération la fit presque pencher du côté des idées de son fils touchant les liens de famille et, après le départ de Don Roque, « Cousin, cousin, dit-elle à son mari, tu en trouveras beaucoup de cousins comme celui-là, si tu veux leur remplir le ventre quand ils viendront au couvent. Mon oncle Bartholomé ne m'a pas laissé ses écus pour les faire manger par tes cousins, c'est vrai. » Le bruit de la destination que le propriétaire comptait donner au couvent se répandit promptement dans le village et arriva bientôt aux oreilles de l'honorable commandant du fort de San Cristobal. Cette nouvelle le terrifia, et le chagrin qu'il en avait éprouvé se lisait sur son visage lorsqu'il entra chez son hôtesse. Rosa Mystica, légèrement indisposée, était encore au lit. À la vue de son locataire, dont la figure était encore, s'il est possible, plus longue qu'à l'ordinaire, les yeux éteints et son unique mèche de cheveux tombant en saule pleureur, elle se mit vivement sur son séant en ayant soin de croiser sur sa poitrine une camisole d'une entière blancheur. « Grand Dieu, qu'y a-t-il, Don Modesto ? » s'écria-t-elle. « Et quelle mauvaise nouvelle apportez-vous ? » « Il s'agit du couvent, Rosita. »« Eh bien, qu'en va faire ce profane usurpateur ? Va-t-il faire venir un aumônier ?»« Hélas non, » répondit le commandant en poussant un profond soupir. « Mais parlez, parlez donc, vous me tenez sur les épines. Que vont-ils faire de cette sainte demeure ?»« Une fabrique, Rosita, » répondit Modesto d'une voix à peine intelligible. « Une fabrique ? Jésus, ils vont faire une fabrique de la maison du Seigneur ? Une fabrique, et de quoi ? De phosphore !» répliqua Modesto d'une voix étouffée. Rosita jeta un cri plaintif, se laissa retomber sur son oreiller, la fièvre redoubla, et ce qui n'était d'abord qu'une indisposition devint subitement une maladie.